d'amour. Contre le système faut faire sa lutte. Y'a tellement de mauvaises ondes, tellement de gens malsains qui viennent salir nos visions. La télévision nous endoctrine grave, manie les esprits, réduit l'homme au statut d'esclave. Tu travailles 8 heures, tu dors pendant 8 heures. Le reste du temps, tu le passes devant ton téléviseur. Ta vision est perturbée par toutes ces images, sachant que subliminal et implicite est leur message. En plus de ça, on mène déjà des filtrades. Jeune, ça pense qu'à pliave, l'illicite est la vie grave. Ça parle d'amour nulle part, trop de haine tout part. Je désigne le peuple et le système coupable. On pourrait changer les choses en menant le même combat. Si je rappe, mon seul but c'est réveiller les gens de ce coma.